إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، on commence aujourd'hui le cours numéro 9 dans l'explication de tafsir surat al-Hujurat avec le tafsir de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen. Et on termine l'explication du verset 11 dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit à la fin du verset بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. C'est-à-dire, quel mauvais mot que perversion lorsqu'on a déjà la foi. Et quiconque ne se repent pas, ceux-là sont les injustes. Et donc le cheikh explique maintenant la signification de la repentance. Il dit, فَإِنْ قَالَ قَائِلْ مَا مَعْنَ التَّوْبَةِ فَنَقُولَ التَّوْبَةُ مِنَ الْعَبْدِ أَنْ يَنْتَقِلَ مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِلَى طَاعَتِهِ والتوبة من الله أن يقبل الله من العبد فيبدل سيئاته حسنات. Donc le cheikh explique que si quelqu'un demande qu'est-ce que c'est la signification de la repentance ou at-tawba, eh bien le cheikh il dit, alors nous disons que la repentance de la part du serviteur, c'est qu'il quitte la désobéissance d'Allah vers son obéissance. Qu'il quitte la désobéissance d'Allah vers son obéissance. Et la repentance de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il se repent, dans le sens qu'il accepte, il accepte la repentance du serviteur. Il accepte de changer les œuvres du serviteur. Des mauvaises œuvres qu'il a fait, il les change en bonnes œuvres. C'est ça le fait que Allah subhanahu wa ta'ala accepte, quand on dit qu'il est repentant, dans le sens qu'il accepte de transformer et de changer les œuvres du serviteur, des péchés qu'il a fait, il les transforme en bonnes œuvres. Et le cheikh il mentionne les versets à ce sujet. Il dit, قال الله تبارك وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. Ça c'est dans les versets de Surat Al-Furqan. À la fin de Surat Al-Furqan, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ces points-là. Donc il dit, et ceux qui n'invoquent pas en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala une autre divinité, et qui ne tue pas, qui ne commette pas de meurtre, qui ne tue pas une âme, que Allah a interdit de tuer. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهِ إِلَّا بِالْحَقِّ sauf de bon droit, et ne commette pas de fornication. وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. Quiconque fait cela encourra une punition. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. Et le châtiment lui sera doublé au jour de la résurrection et il demeurera éternellement couvert d'ignominie. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Donc le cheikh il cite donc la fin de ce verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre, ceux-là Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes. Il changera leurs mauvaises actions en bonnes actions. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. نعم ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. Et quiconque se repent et accomplit une bonne œuvre, c'est vers Allah qu'aboutira son retour. Donc ça c'est les versets 68 à 71 dans sourate Al-Furqan. Le cheikh il dit ensuite وقد تطلق أو تطلق التوبة من الله على توفيقه العبد إلى التوبة. Et on peut également dire que lorsqu'on parle de la repentance de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est dans le sens qu'il donne au serviteur le succès de la repentance et le fait de pouvoir effectivement se repentir sincèrement. فلله تعالى على العبد توبتان توبة بمعنى التوفيق للتوبة وتوبة بمعنى قبول التوبة. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a deux repentances par rapport au serviteur. La repentance dans le sens, parce qu'un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est qu'il est التواب إنه كان توابا. Donc il est التواب, ça veut dire celui qui accepte constamment la repentance. Et quand on dit qu'il accepte la repentance, il dit c'est dans deux sens. Dans le sens qu'il donne au serviteur le succès de se repentir sincèrement, et dans l'autre sens, c'est justement l'acceptation de la repentance de la part du serviteur. De la part du serviteur. والدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا أو خلفوا وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. Donc, le cheikh il dit, et il y a une indication de ça, cette signification est indiquée dans Surat al-Tawbah, les versets dans Surat al-Tawbah, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala parle des trois qui étaient restés derrière, et que finalement, Allah subhanahu wa ta'ala a accepté leur repentance. Et il dit, dans le verset 118, dans Surat al-Tawbah, et il accueillit le repentir des trois qui étaient restés à l'arrière, si bien que toute vaste qu'elle fût, la terre leur paraissait exiguë. La terre leur paraissait étroite. Et ils se sentaient à l'étroit dans leur propre personne, à cause de leur péché. Ils trouvaient la terre, malgré qu'elle était vaste, ils la trouvaient étroite. Et ils se sentaient en eux-mêmes étroits, dans leur propre personne. Et ils pensaient qu'il n'y avait d'autre refuge d'Allah qu'auprès de lui. La malja'a min Allahi illa ilayh. Tu peux pas t'enfuir d'Allah excepté vers lui. Puis il agréa leur repentir pour qu'ils reviennent à lui. Car Allah est l'accueillant au repentir et le miséricordieux. ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. Donc on a la preuve de qu'est-ce qu'on a expliqué par rapport au sens de la repentance quand on dit que Allah subhanahu wa ta'ala il est at-tawwab, C'est dans le sens que il donne le succès aux serviteurs de se repentir et il accepte leur repentance. Donc il dit, puis il agréa leur repentir pour qu'ils reviennent à lui, car Allah est l'accueillant au repentir et le miséricordieux. Et il dit ensuite, hey, وفقهم للتوبة فتابوا وأما التوبة الأخرى وهي قبول توبة العبد فمثل قوله تعالى هو وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. Donc le cheikh il dit, on voit que dans ce verset qu'on a mentionné, Allah subhanahu wa ta'ala a donné à ces trois hommes parmi les sahaba, il leur a donné le succès de la repentance, et donc ils se sont repentis sincèrement. En ce qui concerne l'autre repentance, c'est-à-dire l'autre sens de la repentance, c'est-à-dire du fait que Allah subhanahu wa ta'ala accepte la repentance du serviteur, eh bien cela est mentionné dans des versets comme celui dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit wa huwa alladhi yaqbalu at-tawbata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'an as-sayyi'at. C'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui accepte la repentance de son serviteur, hein, et qui est indulgent par rapport à leurs péchés et leurs fautes. Et le cheikh il dit ensuite, وَتَوْبَةُ الْعَبْدِ تَحْتَاجُ إِلَى شُرُوطٍ تَحْتَاجُ إِلَى شُرُوطٍ إِذْ لَيْسَ كُلُّ تَوْبَةٍ مَقْبُولَةٍ وَلَيْسَ كُلُّ مَنْ قَالَ أَنَا تَائِبٌ إِلَى اللَّهِ يَكُونُ تَائِبًا بَلْ لَا بُدَّ مِنْ شُرُوطٍ. Donc le cheikh il dit, la repentance du serviteur, elle a besoin de certaines conditions. Alhamdulillah, dans l'islam, dans la religion de l'islam, la religion d'Allah, la religion de vérité, la religion du tawhid, on n'a pas besoin d'aller voir un prêtre et de se confesser à lui pour lui mentionner nos péchés et pour espérer un pardon d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Hein? Et on n'a pas besoin non plus de croire que quelqu'un est venu pour mourir pour nos péchés, hein, et comme un genre de sacrifice humain pour pardonner ou effacer les péchés des hommes. On n'a pas ces croyances d'égarement et ces fausses croyances dans l'islam. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a épargnés de ces égarements-là et nous a, hein, guidés vers la vraie signification de la repentance. Et donc, la façon dont le serviteur doit faire lorsqu'il a commis un péché, s'il veut, hein, que Allah accepte sa repentance, eh bien, il n'a qu'à se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour arriver justement à se repentir correctement, il y a des conditions à respecter. Et voici les conditions que le cheikh a cité. Il a mentionné 5 conditions. Vous allez trouver parfois les ulama mentionnent 3 conditions et parfois ils mentionnent 4, et le cheikh lui il mentionne 5 conditions, et vous allez comprendre pourquoi, puisque le cheikh il rajoute quelques détails, hein, qui font partie de la repentance mais qui parfois ne sont pas mentionnés parce qu'elles sont comprises, sans qu'on ait à les mentionner, hein, puisqu'elles sont évidentes, ces conditions-là. Et donc, les conditions en question, c'est les suivantes. الشرط الأول أن يخلص الله أن يخلص لله تعالى في التوبة أي لا يحمله على التوبة أنه خائف من أبيه أو خائف من أخيه الأكبر أو خاف من السلطات أو تاب لأجل أن يقال فلان مستقيم. والإخلاص لله في التوبة أن يكون الحامل له على التوبة طلب رضا الله عز وجل والوصول إلى كرامته، والإخلاص شرط في كل عبادة. Donc la première question, la première condition, c'est une condition que parfois les ulama ils ne la mentionnent pas parce qu'elle est, elle est comprise par elle-même, et que c'est une condition non seulement pour la repentance mais pour toutes les adorations sans exception. Et donc étant donné que c'est une condition qui doit être présente dans toute adoration, eh bien ils ne la mentionnent pas tout le temps, mais elle est comprise et elle est nécessaire, bien entendu, pour la repentance, puisque la repentance est une adoration aussi. Hein? C'est une des plus grandes formes d'adoration et qui est obligatoire aussi. Donc, la première condition, c'est quoi? C'est de purifier notre intention pour que notre repentance soit exclusivement dans le but de plaire à Allah et de le satisfaire seul, lui seul. Et donc, ce qui te pousse et ce qui t'amène à te repentir et à faire la tawba, eh bien, ça ne doit pas être parce que, par exemple, tu as peur de ton père, ou parce que tu as peur de ton grand frère, ou parce que tu as peur des autorités, hein, ou que tu te repens pour que les gens disent de toi que tu es droit, ou que tu te repens à Allah subhanahu wa ta'ala pour yani, arriver à obtenir quelque chose de la dunya, des choses de ce genre. Non. Il faut que ta repentance soit exclusivement, et que ce qui t'amène à te repentir soit exclusivement la recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'obtenir hein, sa générosité et, son, et le fait qu'il te hein, donne sa miséricorde et son paradis. Et donc, la sincérité et la pureté d'intention, et que ce soit fait uniquement pour Allah, ça c'est une condition dans toutes les adorations, comme on l'a dit, et en particulier dans la repentance. D'accord? Donc ça c'est la première condition que le cheikh a mentionné. الشرط الثاني الندم على ما فعل ومعنى يندم أي يتحسر ويتكدر أنه وقع منه هذا الشيء ويخجل من الله عز وجل. Donc la deuxième condition c'est quoi? C'est que il doit avoir des remords d'avoir fait ce qu'il a fait. Et qu'est-ce que ça signifie le remords? Eh bien, ça signifie que en lui-même il regrette, hein? Il regrette et il se sent coupable, hein? Il se sent coupable d'avoir fait le péché qu'il a fait devant Allah subhanahu wa ta'ala, et il est gêné et il a honte devant Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir commis cette désobéissance, hein? Et il ressent du remords et du regret. Donc ça c'est la première condition, pardon, c'est la deuxième. Donc ça c'est la deuxième condition. نعم الشرط الثالث أن يقلع عن الذنب في الحال أن يقلع عن الذنب في الحال وذلك بأن يأتي بالواجب إن أمكن تداركه أو بدله إن لم يكن تداركه وأن يقلع عن المحرم إذا كان الذنب فعلا محرما وإذا كان الذنب في حق الإنسان بأن يكون شخص سرق منه مالا والسرقة حرام وتاب الرجل وندم على وعزم أن لا يعود فلا بد أن يوصل هذا المال إلى صاحبه، ولا يمكن أن تتم التوبة إلا بهذا. Donc le cheikh il dit que la troisième condition c'est que la personne elle cesse, hein, elle se retire complètement de ce péché-là dans le moment même, et qu'elle s'arrête de commettre ce péché dans le moment même. Et si elle est capable de se reprendre, de corriger le mal qu'elle a fait, alors elle le change. Si elle est capable de le remplacer, eh bien, elle doit le remplacer, hein, pour que sa repentance soit valable. Donc, elle doit se retirer de la chose qu'elle a faite qui a été interdite, si c'est une action qui est réellement haram. Eh bien, dans ce cas-là, si c'est un péché, par exemple, qui concerne le droit de quelqu'un d'autre, comme par exemple si c'est quelqu'un qui a volé, hein, de l'argent à quelqu'un, eh bien, le vol est haram, ça c'est clair. Et la personne, donc, qui veut se repentir d'avoir volé cet argent, lorsqu'elle a des remords, hein, de l'avoir fait, et qu'elle est certaine, ou qu'elle a la... elle a la ferme volonté et la détermination de ne plus refaire ce péché par la suite, eh bien, cette personne doit remettre l'argent volé à celui qui est son propriétaire. Et la repentance ne peut pas être complétée, excepté si on a remis au propriétaire les biens qui ont été volés. Et donc le cheikh il dit ensuite: فَإِذَا قَالَ أَخْشَى إِنْ ذَهَبْتُ إِلَى هَذَا الرَّجُلِ وَأَعْطَيْتُهُ الْمَالَ أَنْ يَتَرَتَّبْ عَلَى ذَلِكَ ضَرَرٌ عَلَيَّ وَعَلَى سُمْعَتِي وَرُبَّمَا أُحْبَسْ وَرُبَّمَا يُدْعَى أَوْ يَدَّعِي أَنَّ الْمَبْلَغَ الْمَسْرُوقَ أَكْثَرُ وأنا قد تبت إلى الله قبل أن يقدر علي فكيف تكون الحال؟ فهل يجوز أن يتصدق به عن صاحبه؟ والجواب لا يجوز، لأن صاحبه معلوم. أما لو كان مجهولا، كما لو سرق من أناس نسيهم أو جهلهم ولا يدري أين هم، فهنا يتصدق بما سرق عنهم. ولكن إذا كان معلوما لا بد أن يوصله، ويمكن أن يعطي شخصا يثق به ويقول: يا فلان، إني سرقت هذا المال من فلان، وقد ندمت وتبت إلى الله، ومن فضلك اعطيه إياه وقل له: هذه دراهم من إنسان تستحقها عليه، وهو الآن يبذلها، ولكن لا بد أن يكون هذا الرجل الذي وكله أن يوصل الدراهم موثوقا عند صاحب المال وأمينا، لأنه لو لم يكن موثوقا لاتهمه لاتهمه صاحب المال وقال: أنت السارق، والمسروق أكثر. فلا بد أن يكون ثقة، وإذا لم يمكن فيمكن أن ترسل بالبريد ويقال: هذه دراهم من شخص تستحقها عليه. وفي هذه الحال من المعلوم أنك لن تكتب، لن تكتب اسمك، وأيضا يحسن أن لا تكتبها بقلمك، لأنه ربما يمر عليه ويعرف خطك يوما من الدهر. فإذا كان الحق ماليا، أما إذا كان الحق غير مالي مثل أن يكون الشخص اغتبته في مجلس أو مجالس فتكون التوبة, فكيف تكون التوبة من هذا؟ نعم طيب الشيخ يلكسبليك يلدي l'obligation, il dit, supposons que la personne qui a volé l'argent, elle dit que si par exemple elle retourne, puis elle va donner à la personne à qui elle a volé la chose qu'elle a volée, ou l'argent qu'elle a volé, il est possible que cette personne-là dise, je crains que si je retourne voir cet homme, et que je lui donne l'argent que je lui ai volé, que cela se retourne contre moi et que ça me cause du tort, ou que ça cause du tort à ma réputation, ou que je sois emprisonné. Et peut-être que la personne en question à qui je vais remettre l'argent va prétendre que la somme qui lui a été volée était plus que ce que je lui redonne. Et moi, je me suis repenti à Allah avant qu'on puisse m'inculper ou me trouver et m'attraper. Donc, qu'est-ce que je dois faire dans cette situation-là? Est-ce qu'il m'est permis de donner cet argent en sadaqa au nom de la personne à qui je l'ai volé? Comme si de donner cet argent-là en aumône ou en charité pour lui, à sa place. Et le cheikh, il répond, il dit non, cela n'est pas permis. Parce que tu connais son propriétaire. Donc si c'est le cas où tu connais son propriétaire, tu dois le remettre au propriétaire directement. C'est-à-dire, tu ne dois pas le donner en sadaqa ou le donner à quelqu'un d'autre pour t'en débarrasser. Tu dois remettre cet argent à son propriétaire puisque tu sais qui il est. Tandis que si tu ignores qui il est, tu ne connais pas l'identité du propriétaire de l'argent, peut-être que cet argent elle a été volé, mais que la personne a oublié à qui elle a été volée cet argent. Peut-être que ça fait beaucoup de Il y a une longue période. Des fois, il y a des gens qui se repentent d'avoir volé des années après le vol en question. Peut-être 10 ans après ou plusieurs années après. Des fois, c'est moins ou des fois, c'est plus. Donc, la personne, elle ne se rappelle plus à qui elle a volé. Peut-être qu'elle a volé tellement qu'elle ne peut plus savoir qu'est-ce qu'elle a volé et à qui elle a volé. Et combien elle a volé. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Aussi, également, c'est possible qu'elle ignore à qui elle a volé. Peut-être qu'elle a vu des choses, qu'elle a prises de l'argent de quelque part, sans savoir qui était le propriétaire. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle donne l'argent en sadaqa? Le cheikh il dit oui, dans ce cas-là, tu peux le donner en sadaqa pour la personne, puisque tu ne sais pas à qui ça appartenait à la base. Donc tu la donnes à des pauvres, tu la donnes à des gens en sadaqa pour la personne à qui l'argent a été volé. Tandis que si tu connais la personne en question et tu sais qui était le propriétaire à la base et que tu as eu des remords, dans ce cas-là, tu peux lui remettre, mais si tu ne peux pas aller toi-même lui remettre, eh bien tu peux essayer de trouver quelqu'un qui est proche de la personne à qui tu as volé l'argent et lui dire, lui donner l'argent et lui dire, est-ce que tu peux remettre cet argent à un tel, et donne-lui et dis-lui que c'est de l'argent qui lui revient. Et le cheikh, il dit, par contre, il faut faire attention que la personne qui va remettre cet argent à celui qui est son propriétaire, il faut que cette personne soit une personne en qui le propriétaire a confiance. Sinon, il risquerait lui-même de se faire accuser d'avoir volé cet argent-là. Donc, il faut que ce soit une personne en qui il a confiance et qu'il sait qu'il ne pourrait jamais le soupçonner d'avoir volé. Sinon, il y a un autre moyen aussi qui est possible. Si tu connais le propriétaire, tu peux l'envoyer par la poste, par exemple. Tu peux envoyer l'argent volé par la poste pour faire parvenir ça au voleur. Ou sinon, il y a toutes sortes de manières qu'on peut utiliser, des courriers, n'importe quelle méthode, dans le but que la personne qui est le propriétaire de cet argent retrouve sa propriété et son argent. Non. Et il dit, fais attention également si tu l'envoies par la poste, si tu écris une lettre avec pour dire qu'est-ce que c'est cet argent et tout, de ne pas l'écrire à la main, puisque un jour ton écriture pourrait être reconnue, et on pourrait savoir que c'est toi. Donc dans ce cas-là, il dit, le cheikh, yani, écris-le avec un ordinateur ou quelque chose d'autre. Que ce ne soit pas l'écriture de ta main propre. Et il dit, Amma idha kana al-haqq ghayr mali, si ce n'était pas de l'argent qui avait été volé, comme par exemple, tu avais parlé dans le dos de quelqu'un, dans un lieu où des gens étaient rassemblés ou réunis ensemble, assis ensemble en train de discuter, et toi tu as parlé dans son dos. Alors dans ce cas-là, comment tu dois te repentir? Alors le cheikh il dit, قال كثير من العلماء لا بد ان تذهب اليه وتستحله والا فسياخذ من حسناتك يوم القيامه فاذهب اليه وقل له يا فلان سامحني. Donc le cheikh il dit, la plupart des ulama ils disent, il faut que tu ailles le voir et que tu lui demandes, il faut que tu lui demandes de t'excuser, de te pardonner. Parce que sinon il va venir au jour de la résurrection et il va prendre dans tes hasanat, il va se servir dans tes hasanat. Et donc il faut que tu te... Tu ailles voir cette personne pour lui demander de te pardonner, de t'excuser. Donc va le voir et dis-lui, oh un tel, excuse-moi. Et il dit, wa qala ba'd al-ulama la yajib an tastahillahu wa innama tastaghfir lahu wa tuthni alayhi fi al-majalis fi al-majalis allati kunta taghtabuhu fiha wal hasanat yuzhibna as-sayyi'at. وقد جاء في الحديث كفارة من اغتبته أن تستغفر له. Donc le cheikh il dit, certains ulama par contre ont dit, parce que c'est possible que si tu vas à la personne, tu lui dis, écoute, surtout si tu avais une bonne relation avec la personne, tu retournes voir la personne et tu dis à la personne, j'ai parlé dans ton dos. Et j'ai dit telle chose à ton sujet, pardonne-moi, excuse-moi. Je m'excuse d'avoir dit ça. Peut-être que la personne, elle va mal le prendre. Et elle va refuser de t'excuser ou de te pardonner. Dans ce cas-là, ça va créer plus de tort. D'aller la voir puis de lui avouer ça, ça risque de créer plus de problèmes. Il y a des gens comme ça, ils sont rancuniers. Et puis, ils ne pardonnent pas facilement. Alors, d'aller voir ce genre de personne pour lui demander de t'excuser, ça risque de créer plus de problèmes. Alors dans ce cas-là, certains ulama ont dit qu'il n'est pas obligatoire d'aller le voir pour lui demander de te pardonner, de t'excuser, mais qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux toi-même demander à Allah pardon pour cette personne et faire ses éloges dans les assises, dans les assemblées dans lesquelles tu as parlé dans son dos. Et les bonnes œuvres que tu fais vont effacer tes péchés. Hein? Les bonnes œuvres que tu fais vont effacer tes péchés. Et donc, il mentionne, le cheikh dit, il y a un hadith qui mentionne que l'expiation pour avoir parlé dans le dos de quelqu'un, c'est de demander à Allah pardon pour lui. Et donc, ça c'est tiré de Ibn Abi Dunya dans le livre As-Samt. Et également, l'imam al-Bayhaqi le mentionne dans Shu'ab al-Iman. Également, Al-Khatib al-Baghdadi dans son Tarikh. Donc ça c'est une autre solution lorsqu'il y a médisance. Également aussi une autre chose, c'est que des fois quelqu'un a pas lui-même parlé dans le dos d'une autre, mais elle a été témoin de quelqu'un d'autre qui a parlé dans le dos de quelqu'un. Hein? Comme par exemple, quelqu'un parlait dans le dos d'une autre personne, puis toi tu étais là. Après tu vas voir la personne dans le dos de qui on a parlé, puis tu vas lui dire, j'étais là et un tel il a parlé dans ton dos. Ça c'est pas correct. Il y a un livre de faire ça. Parce que ça c'est une forme de namima en même temps. Hein? Si tu sais que quelqu'un a dit du mal d'une autre personne, ben, premièrement, dis à cette personne de cesser de parler dans son dos. Hein? Si quelqu'un vient et te parle dans le dos de quelqu'un d'autre, hein, il parle dans le dos de quelqu'un, il te dit des choses à son sujet, dis à cette personne de cesser de parler dans son dos, hein, et de cesser de faire de la médisance. Et hein, va pas dire à l'autre personne, un tel il a parlé dans ton dos, parce que si tu fais ça, c'est comme si tu mets de l'huile sur le feu, hein, et subhanallah, la personne déjà elle ignore qu'on a parlé dans son dos, et yani, toi tu t'en vas lui dire. Donc déjà si la personne elle était en bonne relation avec elle, et toi tu lui dis ça de cette personne, probablement que la personne en question, elle va être fâchée par la suite avec cette personne, ça va créer des conflits. Donc il ne faut pas agir comme ça. Hein? Il ne faut pas aller dire ça à la personne. Mais plutôt, qu'est-ce que tu dis à la personne? Tu dis, écoute, tu ne dois pas parler dans le dos de quelqu'un. Et surtout, tu dis à la personne, moi je ne veux pas entendre hein, ce genre de choses. Ça ne m'intéresse pas. Et tu dis en plus, tu dois demander pardon à Allah d'avoir parlé dans le dos de quelqu'un, parce que ça c'est haram, et en même temps tu devrais aller t'excuser à la personne en question et lui dire qu'est-ce que tu as fait pour qu'elle te t'excuse. Donc ça c'est la façon donc que tu devrais agir, non pas d'aller dire ça toi-même à la personne, hein. Comme les porte-paniers ou les gens qui vont mentionner aux autres les choses qui ont été dites à leur sujet derrière leur dos. Hein. À moins que ce soit une personne qui appelle à la bid'a ou à l'égarement, puis toi tu veux mettre en garde contre elle, alors tu dis un tel, fais attention, il appelle au takfir, il appelle à la voix des khawarij, il appelle à la voix des jamaat tablir ou des ikhwan, ou il critique les ulama de la sunna, et tu mets en garde contre lui et tu parles derrière son dos aux gens pour que les gens soient renseignés à son sujet et qu'ils prennent des précautions par rapport à cette personne, ça rentre pas dans la médisance qui est interdite. Ça rentre dans la médisance qui est obligatoire dans l'islam. Et ça fait partie des bonnes œuvres que tu fais. Que tu mets en garde tes frères et tes sœurs contre le danger de l'égarement d'un innovateur ou de quelqu'un qui appelle à la bid'a. Ça, c'est pas quelque chose qui est interdit, c'est quelque chose qui est recommandé même. Non seulement c'est obligatoire, mais si tu le fais, tu vas être récompensé par Allah. Hein? Donc, même l'imam al-Nawawi, dans son livre Riyad al-Salihin, le chapitre 256, il a, juste après avoir parlé de la médisance, al-riba, il mentionne après ma yubahu min al-riba, qu'est-ce qui a été permis de la médisance. Et en réalité, c'est même pas de la médisance, hein. Mais on l'appelle la médisance parce qu'il y a des gens qui confondent entre la médisance et le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal et d'avertir contre l'égarement. Ça fait partie du djihad, ça fait partie du bien, ça fait partie d'ordonner le bien et d'interdire le mal, et ça fait partie de donner la nasiha aux musulmans et d'être sincère envers les musulmans. Et donc ça, c'est un point aussi, des fois il y a des gens qui confondent dans ces choses-là, donc c'est important de le clarifier. Le cheikh, il dit aussi, il y a une autre opinion par rapport à la personne qui a parlé dans le dos de quelqu'un. Qu'est-ce qu'elle fait pour réparer son erreur? On a dit le premier exemple, qu'elle va voir la personne, puis elle lui dit, moi j'ai fait tel, j'ai parlé contre toi dans ton dos et excuse-moi. La deuxième, on a dit, c'est qu'il demande pardon pour la personne. Et la troisième, c'est quoi? Il dit, وَهُوَ الْقَوْلُ الثَّالِثُ وَقَوْلٌ وَسَطٌ وَلَعَلَّهُ الصَّوَابُ إِنْ كَانَ صَاحِبُكَ الَّذِي اغْتَبْتَهُ قَدْ عَلِمَ بِذَلِكَ فَلَا بُدَّ أَنْ تَذْهَبَ إِلَيْهِ وَتَسْتَحِلَّهُ لِأَنَّهُ لَنْ يَزُولَ مَا فِي قَلْبِهِ حَتَّى تَسْتَحِلَّهُ أَمَّا إِذَا لَمْ يَعْلَمْ فَيَكْفِي أَنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُ وَأَنْ تُثْنِي عَلَيْهِ فِي الْمَجَالِسِ الَّتِي كُنْتَ تَغْتَابُهُ فِيهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وينبغي لمن جاء إليه أخوه يعتذر منه أن يسامحه ولا ينبغي أن يناقش ويرى ما الذي حصل لأنه ربما يذكر شيئا كبيرا فتعجز نفس صاحبه عن أن يحلله لأن النفس أمارة بالسوء فالأولى أن لا يسأل وأن يحتسب الأجر من الله ويقول وهذا جاء معتذرا وقد عفى فأجره على الله ومن عفى فأجره على الله ويرجى في المستقبل أن تعود هذه الغيبة ثناء حسنا. وهذا التفصيل هو اختيار شيخ الإسلام وهو الحق, وهو أنه إن كان عالما فلا بد أن تستحله حتى يزول ما في قلبه, وإن كان غير عالم فلا حاجة إلى استحلاله. وهذا بالنسبة للذي اغتاب غيره. أما الذي اغتيب وطلب منه السماح فالذي نرى أن الأفضل والأكمل أن يحلله لأنه أخوه جاءه معتذرا نادما فليحلله, وثقوا أنه إذا حلله ستكون كبيرة وعظيمة على الشخص الذي استحله, وسيرى أنه أهدى إليه كبيرة أكبر هدية, فتنقلب الكراهية التي كانت من قبل إلى ألفة ومحبة. وهذا هو المطلوب من المسلمين, أن يكون بعضهم لبعض إلفا ومحبا ووادا. Donc, le Cheikh dit la troisième position, c'est une position intermédiaire, si on veut, moyenne. Et probablement que c'est cette position-là qui est la bonne. Il dit que si ton compagnon est dans le dos duquel tu as parlé, il a appris que tu avais parlé dans son dos. Il est au courant et il sait que tu as parlé dans son dos. Alors il dit, dans ce cas-là, va vers lui, hein, va vers lui et demande-lui de t'excuser. Hein, et en allant vers lui et en lui demandant de t'excuser, eh bien ça va enlever de son cœur ce qu'il a comme colère contre toi. Hein. Mais par contre, s'il n'a pas su, s'il n'a pas été au courant, alors il est suffisant, hein, que tu demandes à Allah pardon pour lui, que tu demandes à Allah pardon pour lui, et que tu fasses son éloge dans les assises et les assemblées dans lesquelles tu as parlé dans son dos. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Et donc, il faut pour la personne, yarhamkallah, en ce qui concerne la personne contre qui on a parlé dans son dos, personne qui a été la victime, hein, de cette médisance, lui contre qui on a parlé dans le dos, eh bien, si son frère lui vient et lui demande des excuses, il devrait l'excuser. Hein? Il ne doit pas rentrer dans une discussion avec lui pour dire qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce que tu as dit, hein? Pourquoi tu as dit ça, et ainsi de suite. Parce que c'est possible que la personne, si elle commence à demander des questions au sujet des détails, que la personne, elle entende des choses qui lui déplaisent et que ça devienne trop grand pour lui et qu'elle ne soit plus capable de lui pardonner qu'est-ce qu'elle a fait. Alors, hein, puisqu'on sait que l'âme de l'homme le pousse vers le mal parfois, alors le mieux c'est de ne pas demander des détails, de ne pas questionner la personne et de simplement espérer la récompense d'Allah dans cette patience. Et yani, de se dire à elle-même, ce frère est venu et s'est excusé. Et celui qui pardonne à son frère, qui excuse son frère, il aura une récompense d'Allah. Et on espère que dans l'avenir, eh bien, cette médisance qui a été commise, elle se transforme et elle revienne comme quelque chose de bien et une éloge à la fin. Et ce détail a été donné par cette explication-là a été donnée par Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, et c'est lui qui a expliqué ça. Et si la personne elle est au courant, dans ce cas-là, tu vas la voir puis tu t'excuses, hein? Tandis que si la personne elle est pas au courant, hein? Et dans ce cas-là, tu demandes pardon pour la personne, hein? Et tu fais ses éloges. Il dit, et la personne contre qui on a parlé dans son dos, eh bien elle devrait excuser la personne qui vient s'excuser. Et elle devrait ne pas être rancunière, ne pas dire non, je peux pas t'excuser, tu m'as parlé dans mon dos, non. Il faut que la personne soit ouverte dans son cœur pour cette personne qui vient et qui lui avoue avec remords qu'elle a parlé dans son dos. Et donc, c'est certain, le cheikh, il dit que si la personne, elle va vers la personne contre qui elle a parlé dans son dos, eh bien, cette haine qu'elle avait contre elle, cette colère, elle va se transformer en amour par la suite. Et c'est ça qui doit exister entre les musulmans, les uns les autres. Ils doivent s'aimer et être proches les uns des autres et s'aimer les uns les autres. En ce qui concerne la quatrième condition de la repentance, الشرط الرابع أن يعزم على أن لا يعود في المستقبل أي يكون في نفسه نية عازمة جازمة أن لا يعود لهذا الذنب في المستقبل. فإن تاب وهو يقول ربما أنه يطرأ علي أن أفعل الذنب فهذا التائب لا تصح توبته لأنه لا بد أن يعزم على أن لا يعود في المستقبل. Donc le cheikh il dit qu'il y a une quatrième condition. Cette quatrième condition c'est quoi? C'est que la personne elle ne recommence, elle a la ferme détermination dans son cœur de ne plus refaire et de ne plus retourner à ce péché-là dans l'avenir, au moment de la repentance. C'est-à-dire que dans son cœur, elle est déterminée et elle est convaincue qu'elle ne veut plus jamais recommettre ce péché-là dans l'avenir. Hein? Donc si elle, la personne, elle dit je me repens, puis qu'en même temps dans son cœur elle dit mais je vais refaire le péché encore une fois plus tard, il dit cette personne-là, sa repentance n'est pas correcte, n'est pas acceptée, n'est pas valable. Pourquoi? Parce qu'il faut absolument que la personne qui se repent au moment de sa repentance soit fermement déterminée et convaincue de ne plus y revenir dans l'avenir et dans le futur. Le cheikh il dit wa shartul khamis, la cinquième condition, an takuna tawba fi waqti qabulha, لانه ياتي وقت يسد باب التوبه ولا تقبل من الانسان والباب الذي يغلق من عن التائبين عام وخاص اما العام فهو طلوع الشمس من مغربها فسياتي زمن تخرج الشمس من المغرب الذي يعني يردها الله عز وجل لو اجتمعت الخلائق والذي يردها الله سبحانه وتعالى لو اجتمعت الخلائق كلها على أن تردها ما ردتها يعني لكن يردها الله عز وجل الذي أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ترجع هذه الشمس العظيمة إذا غربت من مغربها وإذا طلعت الشمس من مغربها آمن كل من على الأرض اليهودي والنصراني والبوذي والشيعي وغيرهم كلهم يؤمنون لأنهم يرون شيئا واضحا في الدلالة على الرب عز وجل ولكن لا ينفعهم الإيمان لقوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك أنه خروج الشمس من مغربها وحينئذ لا تنفع التوبة مع أن الناس كلهم مؤمنون لكن لا تنفع لأنه انسد الباب وإذا سد فكيف يدخل الناس. Donc le cheikh il donne comme explication de la cinquième condition, c'est qu'il faut que la repentance soit faite dans un moment où elle est acceptable et où Allah va l'accepter. Parce qu'il va y arriver des moments où la porte de la repentance sera fermée. Et où elle ne pourra pas être acceptée de l'homme. Et la porte de la fermeture plutôt de la porte de la repentance pour les repentants, elle a deux formes. Cette fermeture-là, elle a deux formes. Il y en a une qui est générale et il y en a une qui est particulière. C'est-à-dire la fermeture des portes de la repentance, il y en a une qui est générale et il y en a une qui est spécifique et particulière. Il dit, en ce qui concerne la fermeture des portes de la repentance qui est générale, c'est lorsque le soleil va se lever à l'ouest. C'est-à-dire qu'il va y arriver un moment où le soleil va sortir à l'ouest et personne ne pourra la ramener ou la retourner. Retourner le soleil, personne ne pourra le retourner dans son sens, excepté Allah Azza wa Jal. Même si toutes les créatures se réunissaient pour faire changer la trajectoire du soleil, et pour la faire lever à l'est, ce jour-là, ils ne pourront rien faire pour la remettre. Mais c'est Allah seul qui peut la remettre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il veut quelque chose, il n'a qu'à lui ordonner en disant « soit ». Il n'a qu'à ordonner en lui disant « soit » et elle est. Donc le soleil, lorsqu'elle va se lever à l'ouest, lorsque le soleil va se lever à l'ouest, Ça fait partie des grands signes de l'heure du jugement dernier. Et donc, quand le soleil se lève à l'ouest, tous les êtres sur la terre vont croire en Allah. Tous les êtres sur la terre vont croire. Les juifs, les chrétiens, les bouddhistes, les communistes, les athées, il y en a tout le monde, sans exception. Ils vont tous croire. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est tellement clair de l'existence d'Allah qu'ils ne vont pas pouvoir renier quoi que ce soit. Mais à ce moment-là, leur foi ne leur servira plus à rien, puisque la preuve a été établie ce jour-là. Et le cheikh, il cite à ce sujet un verset dans le Coran qui dit: est-ce qu'ils attendent autre chose que leur viennent les anges, ou que ton Seigneur leur vienne, ou que certains des signes de ton Seigneur leur parviennent? Le jour où viendront certains des signes de ton Seigneur, eh bien, la foi ne leur sera d'aucune utilité s'ils n'avaient pas déjà cru auparavant, hein, ou qu'elle n'avait pas acquis dans sa foi du bien auparavant. Donc, une fois que le soleil se lève à l'ouest, si quelqu'un n'était pas déjà croyant auparavant, eh bien, le fait de croire après ne servira plus à rien. Et c'est-à-dire que ce jour-là, il n'y aura plus de repentance, et la repentance ne servira plus à rien. Malgré que les gens vont être des croyants à ce moment-là. Mais étant donné que yani, la porte de la repentance a été fermée, il est trop tard. Hein? Ça, c'est à la fin des temps. Amma al-khas, fahuwa an yahdura l'insan ajalahu. Fa'idha hadara l'insan al-ajal, falatanfa'u at-tawbah. لقول الله تبارك وتعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وإني أسأل هل أحد منا يعلم متى يموت أبدا ربما يموت الإنسان وهو على مكتبه أو وهو على فراشه أو وهو في صلاته وفي أي لحظة وإذا كنا نعلم وإن كنا نعلم هذا ونوقن به فالواجب أن نبادر بالتوبة لئلا يفجأنا الموت وينسد الباب. Non. Donc le cheikh il explique, il dit il y a une autre fermeture des portes de la repentance qui est particulière, et c'est au moment où l'homme est à la proximité de la mort, au moment où il meurt, lorsque son terme, le terme de sa vie est arrivé et que il est au bord de la mort, eh bien à ce moment-là la repentance ne sert plus à rien. Et il cite le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: et la repentance n'est pas pour ceux qui ont commis des péchés jusqu'à ce que la mort leur soit arrivée, hein, la mort soit présente, et ils disent: maintenant je me repens. Non, c'est trop tard. C'était avant qu'il fallait se repentir, pas au moment où tu vois la réalité et que la mort est là pour prendre ton âme. Hein? L'ange de la mort vient pour arracher ton âme, et là tu dis: maintenant je crois. Non, il est trop tard maintenant. Donc il dit, je demande, le cheikh il dit, je demande, est-ce que quelqu'un connaît quand est-ce qu'il meurt? Est-ce que quelqu'un connaît quand est-ce qu'il va mourir? Il dit non. Peut-être que maintenant tu vas mourir maintenant sur ton bureau, ou bien sur ton lit, ou bien dans ta salate, ou bien à n'importe quel moment, tu ne sais pas quand tu vas mourir. Donc si on ne sait pas quand, avec certitude, quand est-ce qu'on va mourir, alors dans ce cas-là, pourquoi on ne se précipite pas pour se repentir, hein, pour ne pas être surpris par la mort et que la porte de la repentance soit fermée pour nous. Donc le cheikh il dit, parce qu'il y a des gens qui disent ça, ah non mais j'ai le temps de me repentir, je vais me repentir plus tard, hein? Comme si là je vais encore profiter encore de la vie, je vais encore profiter du péché, surtout les jeunes, hein? Les jeunes, Allah musta'an, les adolescents, Allah musta'an, et même des fois il y a des parents même qui pensent comme ça, à cause de leur ignorance et de leur aveuglement. Mais non, tu es jeune encore, tu es trop jeune pour faire pratiquer la religion, profite de ta jeunesse, profite de ta vie, hein. Et il y en a des diables parmi les humains qui parlent comme ça à leurs enfants ou à leurs neveux ou à leurs petits, yani Allah musta'an. Et qui, il y en a des diables parmi eux qui disent, tu sais, profite de ta jeunesse. Moi, quand j'étais jeune, j'ai pas pu profiter, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. A'ouzou billah. Donc, ils incitent les jeunes à faire des péchés et à désobéir à Allah sous prétexte que la vie est courte et qu'il faut en profiter, c'est-à-dire il faut se permettre de goûter à tous les plaisirs illicites de la vie. Comme si c'était ça le bonheur, comme si c'était ça la vraie liberté et comme si c'était ça qui était nécessaire de faire par rapport à notre âge, puisque quand on est jeune, supposément qu'on a beaucoup de temps. Alors qu'on ne sait pas, tu peux mourir autant quand tu es jeune que quand tu es vieux. Il y a des gens qui meurent jeunes, et il y a des gens qui meurent vieux. Hein? Et donc il ne faut pas penser que parce que tu es jeune, tu es immunisé de la mort, ou que la mort ne peut pas t'atteindre. Non, la mort peut venir n'importe quand. Hein? Moi, j'ai un de mes frères qui est mort dans le coffre, l'Amstein. Il était, c'est plus jeune, hein? 29 ans. Il est mort dans son sommeil, pendant la nuit. Il s'est couché le soir et il s'est pas réveillé le matin. Il est mort comme ça, dans la nuit, arrêt du cœur, hein? Crise cardiaque. Un jeune homme de 29 ans. Qui aurait dit que, hein, qui aurait dit qu'il allait finir comme ça? Donc les gens, ils ont l'habitude que la mort vient quand t'es malade, hein, quand t'as le cancer, quand t'as un problème de cœur. Hein. Mais quand t'es jeune, en bonne santé, fort, hein, les gens disent, ah, mais profite de la vie, hein. Fais qu'est-ce que tu veux. Pas besoin de faire la salat, pas besoin de faire le jeûne, pas besoin de faire ci ou ça. Hein. Va, hein, va t'amuser. Hein. Cours à gauche et à droite. Hein. Allah musta'an. Ça, c'est des diables. Les êtres humains qui donnent ce genre de conseils-là aux jeunes, ce sont des diables. Et au jour de la résurrection, il n'y a pas de doute que pour avoir donné ce genre de conseils diaboliques à des jeunes, ils auront un châtiment. Ça, c'est clair. Parce qu'ils ont incité au mal. Il y en a qui disent, ah, mais tu es jeune. À ton âge, tu n'as pas de copine. Tu n'as pas un copain, tu n'as pas une copine. Hein? Tu ne sors pas avec des garçons ou avec des filles. A'ouzou billahi minash shaytanir rajim. Donc, ça, c'est il pousse des jeunes à tomber dans le zina et à faire la fornication et l'adultère. Hein? Donc ça, c'est comme si pour eux, c'était halal. Hein? Et t'es jeune, vas-y. Et il y en a parmi les parents, il y en a, ça, c'est une chose qui m'a choqué une fois. Il y en a des parents qui, pour eux, c'est pas grave si leurs fils vont faire le zina. Hein? Du moment que c'est pas... Hein, leurs enfants, eux, qui sont les victimes, ça ne les dérange pas que ce soit les filles de d'autres familles. Et il y en a même qui ont dit une fois, il y en a même une mère qui m'avait appelé à la mosquée une fois, Allah musta'an, elle me dit, ah, mais mon fils, ça ne me dérange pas s'il va à gauche et à droite comme ça, courir avec des femmes ou des filles qui ne sont pas musulmanes. Ça ne dérange pas, elles ne sont pas musulmanes. Et je lui ai dit, A'ouzou billah, j'ai dit, ça c'est grave, ça c'est haram. Et j'ai dit, et si jamais, par exemple, en plus du péché d'avoir commis la fornication et l'adultère, même si c'était pas avec une femme qui est musulmane ou une fille qui est musulmane, c'est un péché quand même. Et j'ai dit, et supposons que cette femme, elle tombe enceinte par la suite. Hein? Elle a dit, ben, il peut mettre des préservatifs ou des choses comme ça. J'ai dit, a'oudou billah. Donc, c'est des... Hein? Une femme musulmane qui me disait ça au téléphone à la mosquée. Elle, est pour, elle appelait pour demander de l'argent en plus. Parce qu'elle disait qu'elle avait des problèmes d'argent. Et en même temps, elle racontait ce genre de choses. Donc, franchement, j'ai dit, a'oudou billah. Il y a des gens vraiment, ils n'ont rien compris de la religion. Du tout, yani, subhanallah. Et ils pensent à la vie comme les athées, comme les kuffars, juifs et chrétiens, la même chose. Hein? Ça, c'est des choses. Avant l'islam, on entendait les kuffars, yani, qui disent ça à leurs enfants, à leurs cousins, à leurs neveux, à leurs proches, yani, tout des trucs comme ça. Profite de la vie, vas-y, amuse-toi. Tout. Ça, dans le kuffar, oui, on entendait ça. Mais des musulmans qui disent ces choses-là, yani, a'ouzou billah, yani, il y a un frère comme ça, un jeune. Il commençait à pratiquer la religion, tu vois. Il commence à faire la salat. Il s'écarte du haram. Il veut pas y rentrer avec des relations avec des filles. Il s'écarte des jeunes filles. Il veut pas tomber dans des péchés avec des femmes, des choses comme ça. Il s'écarte de tout ce qui est haram. Pas de musique, pas de quoi que ce soit de haram. Puis il est venu me voir. Puis après il me dit. Mes parents, ils sont fâchés parce que je suis pratiquant, parce que je pratique ma religion. Et là, ils me disent, tu devrais sortir, tu devrais t'amuser. À ton âge, tu ne dois pas être sérieux comme ça dans ta religion, c'est pas normal. C'est de l'extrémisme, c'est du radicalisme. Alhamdulillah. Non, c'est pas ça. Ça c'est qu'est-ce qui est obligatoire que tu l'appliques. À partir du moment que tu atteins la puberté, tu deviens responsable de tes actes en islam. Et la mort peut venir n'importe quand. Donc il faut pas s'imaginer comme si ça y est, on est jeune alors on a le temps. Non, parce que la vie passe tellement vite et on réalise même pas. Et les péchés qu'on fait dans la jeunesse parfois nous suivent jusqu'à notre mort. Et les conséquences de ces péchés-là aussi. Donc déjà, la laideur de ces péchés-là qui reste dans ta mémoire, tu vas t'en souvenir jusqu'à ce que tu vieillisses. Et en même temps aussi, les conséquences de ces péchés-là par la suite, s'il y a des conséquences qui en découlent, tu vas avoir les conséquences à payer jusqu'à ta mort. Hein? Sans oublier que si tu meurs dans cet état-là, tu meurs dans l'égarement, hein, au lieu de mourir dans le bien. Et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit innama al-a'malu bil khawatim. Innama al-a'malu bil khawatim. C'est-à-dire les œuvres que on fait vont c'est qu'est-ce qui va compter, c'est par quoi on a terminé notre vie. Hein? Donc si tu as vécu une grande partie de ta vie dans l'obéissance d'Allah, puis après tu dis ah, finalement là je vais profiter un petit peu de la vie, là je vais me laisser aller, je vais faire des choses qui sont péchés, des choses haram, puis après je vais me repentir, puis tu meurs à ce moment là qu'est-ce qui sur quoi tu vas être jugé à la fin? C'est sur ce que tu faisais en dernier, même si tu avais fait beaucoup de bien auparavant. Donc, pourquoi jouer avec notre foi de cette façon-là, hein? Il y en a qui jouent avec leur religion comme si c'est, comme on appelle la roulette russe. Hein? Tu connais la roulette russe? Ah non, la religion, c'est pas un jeu. Hein? Donc, il faut pas prendre des chances comme ça. Et le cheikh, il dit, « وَلِهَذَا كَانَتِ التَّوْبَةِ مما يجب على الفور فلنبادر بالتوبة إلى الله وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن هذا الخبر من الله عز وجل له أمر واقع يدل عليه لما لما أغرق الله تعالى فرعون وقومه. قال فرعون حين أدركه الغرق: أمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، يعني الله عز وجل، وأنا من المسلمين. فقيل له: الآن، أي الآن تتوب؟ لماذا لم تتوب قبل؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فلم تقبل توبته والعياذ بالله. وإذا تاب العبد فإن الله يفرح بها، يفرح بهذا فرحا عظيما لا يتصوره إنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة أحدكم، أو قال بتوبة عبده، من أحدكم براحلته. الراحلة هي البعير، يعني كان عليه طعامه وشرابه فأضلها، يعني ضاعت عنه، فطلبها فلم يجدها فنام تحت شجرة ينتظر الموت، ضعفت قواه وخرجت يعني وخارت واضطجع ينتظر الموت. فبينما هو كذلك إذا بناقته متعلقا زمامها بشجرة، فأخذ بالزمام فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، يريد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، لكنه أخطأ من شدة الفرح. وهل تجدون فرحا أعظم من هذا؟ لا، لأنه لا فرح أشد من حياة بعد الإسراف على الموت. فالرب عز وجل يفرح بتوبة أحدنا أشد من فرحة هذا الرجل بناقته. Donc le cheikh il explique pour terminer les conditions de la repentance, qu'on doit se repentir avant la mort. Et il dit, la repentance elle est obligatoire immédiatement, c'est-à-dire le plus tôt possible. Et donc il faut se précipiter vers la repentance à Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, et la repentance n'est pas pour ceux qui font des péchés jusqu'à ce que vienne la mort, puis ils disent je me repens maintenant. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne un exemple concret de ça. Lorsque Pharaon a été noyé par Allah ainsi que son peuple, lorsque il a été au moment de la noyade, il a dit maintenant je crois à Allah. Il dit je crois que rien ne mérite d'être adoré excepté la divinité en laquelle les fils d'Israël ont cru, c'est-à-dire Allah. Et donc le cheikh il dit et il a dit ensuite wa ana min al-muslimin, et je suis du nombre des soumis, des musulmans, des gens qui se sont soumis à Allah. Donc Allah il a répondu en disant al-an, c'est-à-dire est-ce que c'est maintenant que tu te repens, pourquoi tu ne t'es pas repenti auparavant, est-ce que, donc il dit Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui signifie maintenant tu te repens alors que tu as désobéi auparavant et que tu étais parmi les gens qui ont semé le désordre et fait la corruption sur la terre. Donc Allah n'a pas accepté sa repentance à ce moment-là et son islam. Donc le serviteur par contre, s'il se repent à Allah avant la mort, eh bien Allah se réjouit de sa repentance de la plus grande joie que quelqu'un peut imaginer. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah se réjouit plus de la repentance de l'un d'entre vous ou de la repentance de son serviteur que l'un d'entre vous lorsqu'il a sa monture avec toute sa nourriture, son eau et tout ce qu'il a de besoin dans son voyage. Imaginons que quelqu'un est en voyage par exemple et qu'il part à travers les déserts avec sa monture, sa nourriture, son eau, et tout ce qu'il a besoin comme provision pour faire son voyage, et qu'en plein milieu de son voyage, il s'endort après, hein, et que, ou bien supposons qu'il perd sa monture pendant son voyage, et qu'il la, il la trouve plus. La voiture, sa monture plutôt, s'est égarée. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il s'allonge sous un arbre et il attend la mort. Et il s'affaiblit et il n'a plus de force, donc il décide de s'allonger et puis d'attendre la mort. Et alors qu'il se réveille, il voit que sa monture est revenue et qu'elle est accrochée à un arbre. Et donc il prend les rênes de sa monture et il dit, tellement il est heureux, tellement il se réjouit, il dit, « Oh Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. Hein? » Et il voulait dire, « Oh Allah, tu es mon Seigneur et je suis ton serviteur. » Mais il était tellement content qu'il s'est trompé. Hein? Il a dit, « Oh Allah, je suis ton Seigneur et tu es mon serviteur. » Donc, il s'est fâché, trompé à cause de ça. Et donc vous voyez cette joie que le serviteur a eue quand il a retrouvé sa monture qui s'était égarée. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, sa joie de la repentance de son serviteur après avoir vécu dans le péché, dans l'égarement, et qu'il revient à Allah, eh bien la repentance, la joie d'Allah pour la repentance de ce serviteur-là est plus grande que la joie de cet homme qui avait perdu tous ses vivres et sa monture en plein milieu de son voyage, hein, en plein milieu du désert. Donc ça, c'est les conditions de la repentance qu'on a mentionnées aujourd'hui. Et donc on va s'arrêter ici pour le cours et on continuera inshallah le prochain cours. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayh wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ok, vas-y. Est-ce que c'est vrai qu'il fallait Oui.